Corfou par Paul Bourget. Faut-il revoir la femme que l'on a aimée et de qui l'on fut séparé par la vie, quand 10 ans ont passé sur cet amour, sous notre cœur et sur sa beauté? Faut-il rouvrir le volume autrefois lu avec ivresse, puis oublier à demi et qu'on le retrouve sur le rayon de la bibliothèque paternelle, immobile dans sa reliure défraîchie, avec son titre qui nous représente quelques-unes des heures les plus délicieuses de notre adolescence? Faut-il retourner, homme fait, dans le pays que l'on a visité jeune homme et qui vous est demeuré dans le souvenir comme une oasis de parfums, de lumière et de rêverie? L'ami qui s'en viendrait me poser ces questions, je sais trop bien ce que je répondrais. Ah, que le passé soit le passé, lui dirais-je. Si tu veux vivre, cherche la femme que tu n'as jamais rencontrée, qui ne sait rien de toi et de qui tu ne sais rien. Si tu veux aimer, le livre écrit par le poète dont tu n'as jamais entendu le nom, si tu veux rêver. Et si tu veux te complaire parmi des paysages, fuis des terres inconnues, et où tu ne retrouveras pas une trace de l'être que tu fus jadis, que tu ne seras jamais plus. Oui, je parlerai ainsi, et j'aurai raison 9 fois sur 10, et tort 7/10, comme je me le suis, si heureusement prouvé à moi-même, en retournant, au mois de décembre de l'année qui vient de finir, dans cette Corfou, que j'avais tant aimé en 1874. C'est qu'il y a des maîtresses dont le charme retrouvé abolit tout ce que l'on a senti depuis elles. C'est qu'il y a des livres aussi féconds en songes après des années qu'au premier jour. Et des coins bénis de ce vaste monde qui vous rendent par leur magie assez de jeunesse pour les revoir, comme si on ne les avait jamais vus. Ainsi de celui dont j'écris le nom tout à l'heure, et pour lequel je m'embarquais à Brindisi avec cette curiosité presque anxieuse qui fait le charme et le danger de pareils retours. Par un de ces hasards où un ancien aurait vu un présage de joie, la traversée fut parfaitement douce, et quand je montais sur le pont du bateau vers le matin, je pus contempler le plus lumineux des paysages que j'eusse vu depuis l'Espagne. La mer, calme comme un lac, étalait une nappe d'une couleur si bleue que l'on eût dit du lapis en fusion. Pas un nuage ne promenait sa blancheur dans le ciel, dont le saphir un peu pâli attestait seul que nous étions en plein hiver. Non pas seul, car de la neige saupoudrait à gauche la longue chaîne des monts d'Albany, une neige si légère que le corps de la montagne apparaissait au travers presque lilas. Sur cette côte du continent, pas un signe de vie humaine, sinon quelques hameaux, de place en place, jetés au creux d'une ravine. À droite de la route que les navires suivaient, fendant l'eau à peine frémissante, avec un mouvement doux, de toutes petites îles émergeaient, nues et sombres, et la masse violette de la grande île se rapprochait, annoncée par cette grande montagne du Pantocrator, qui prend sous tous les horizons des formes de colossal hôtel. Les goélands volaient autour des mâts, balançant avec une mollesse gracieuse leur corps blanc, immobile entre leurs larges ailes souples à pointe noire. Je me sentis ressaisi par l'enchantement de jadis, et c'est avec une émotion presque religieuse que je m'accoudais sur le bastingage, les yeux fixés sur cette montagne dont je reconnaissais le profil sublime, épiant, à mesure que le bateau s'approchait, le détail de ce paysage, et peu à peu les anfractuosités de la rive se firent visibles, et les maisons dans les plis des vallées, et le revêtement d'olivier qui fait de Corfou comme un bois sacré au milieu de la mer, puis la forteresse qui domine la capitale, laquelle porte le même nom que l'île elle-même. Des barques commençaient à cingler autour de nous, dans le goulet qu'il faut franchir pour arriver au port. Les voiles de quelques-unes, toutes rouges, révélaient des pêcheurs de Chioggia, les mêmes peut-être que j'avais vus courir à Venise l'autre année, et se ressouvenir aussi de la ville que je préfère à toutes les autres, acheva de donner à cette minute un charme suprême, impossible à jamais oublier tout à fait. Le mois que je passai dans l'île ne fut pas composé uniquement de minutes pareilles, et pourtant, sauf 4 ou 5 après-midi, vraiment pluvieuses, il me fut possible chaque jour de sortir en voiture ouverte et de retrouver, même sous ce ciel d'hiver, cette impression d'agrément dans la beauté qui m'avait attiré là, de nouveau, après tant d'années. Il faut cependant avouer, pour être franc, que le premier aspect de la ville où on débarque n'est pas fait pour entretenir cet enthousiasme inspiré aux voyageurs par la vue de la côte. Elle est petite, cette ville, toute en maisons blanches et à colonnettes, mais avec des rues étroites, tortueuses, sans aucune de ces curiosités d'art dont foisonnent les moindres cités de l'Italie méridionale. Les boutiques débordent des arcades, éclairées le soir par des lampes en terre aussi primitives que celles de Pompéi. Elles étalent toutes sortes de fruits séchés, d'épices, de fritures, et remplissent la rue d'une sorte de relent fade et singulier. Quelquefois, l'image d'une vierge aux grands yeux, raide et parée d'incrustations d'argent sur un fond d'or, protège la boutique, et une foule va-et-vient, composée de grecs moustachus à la fustanelle blanche, aux souliers recourbés, d'albanais en manteau de poil de chèvre, de juifs coiffés d'un fez et drapés d'une ample redingote, de prêtres à longs cheveux et à longue barbe, avec une barrette et une toge semblable à celle de nos avocats, des femmes en voile blanc avec leurs vestes brodées et des plaques de métal, des enfants en haillons, aux beaux yeux d'animaux. Toute cette population, où beaucoup de visages trahissent l'épuisement de la fièvre, ne correspondent guère à l'idée que ce simple nom, la Grèce, évoque dans notre rêverie. C'est qu'aussi rien n'est plus mêlé que le sang des habitants de cette île, si l'on en juge par la diversité des invasions successives qui sont venues y laisser leur empreinte depuis l'époque lointaine où les Corinthiens colonisèrent les premiers Corcyres. Après eux vinrent les Spartiates, puis les Athéniens, puis les Macédoniens, puis les Épirotes du roi Pyrrhus, puis les Romains. Au Moyen Âge, les croisés, les empereurs grecs, les Normands, les princes de la maison d'Anjou jetèrent tour à tour sur cette contrée des soldats pieux ou cruels, des pirates et des mercenaires. Les Vénitiens arrivèrent plus tard, et par endroits, un lion ailé sculpté au fronton d'une porte rappelle encore une domination qui fut bienfaisante, car c'est à elle que l'on doit l'admirable boisement d'oliviers, richesse de l'île. Les Français y régnèrent aussi, et tandis que Napoléon luttait contre toute l'Europe, une poignée de soldats massés dans la forteresse qui domine la ville refusait de se rendre et nous gardait cette terre remarquée par le premier consul, acquise par l'infatigable empereur, que les traités de 1815 remirent aux mains des Anglais. Ceux-ci, du moins, reprirent la tradition de Venise et les belles routes qui permettent, même entretenues insuffisamment, d'aller d'un bout à l'autre du pays, sont leur œuvre. La mêlée confuse de cette histoire est-elle visible dans les traits confus de la race qui peuple aujourd'hui et la ville et l'île? À coup sûr, dans les premières promenades que l'on fait à travers les ruelles, on se prend à regretter la noble ligne des profils de pur sang hellène, et puis le charme du ciel levantin, épars sur les murailles blanches et sur les vêtements exotiques, est plus fort que la désillusion du début, d'autant que ces ruelles ménagent aux voyageurs maintes surprises de pittoresque, et parfois des impressions d'une simplicité grandiose, comme celle que j'éprouvais, quelques jours après mon arrivée, à voir le déchargement sur le port d'une énorme barque de blé. Ce port n'est pas fermé d'un môle, et il ne possède pas non plus un quai unique. C'est, tout le long de la partie de la ville qui regarde la petite île de Vigo, une suite de terrassements distincts auxquels on accède par diverses portes devant lesquelles se tiennent les changeurs. Ils ont devant eux les piles de leur monnaie d'argent et d'or, et quelquefois une belle médaille antique, égarée dans leur sébille, montre au milieu des effigies grimaçantes un profil d'Alexandre, délicat comme celui d'un Bacchus ou le fier visage d'une Pallas casquée. Le ciel, ce matin-là, était encore tout bleu, mais la mer moutonnait, et la houle de la vaste rade agitait durement les bateaux. Celui que l'on déchargeait sur l'un des petits quais avait beau être amarré solidement, il se soulevait de temps à autre, quoiqu'il fût très large et plein de grains jusqu'au bord, du grain rapporté de Crimée par un vapeur anglais immobile sur ses ancres là-bas. Dans cet amas de blé doré qui leur montait jusqu'aux genoux, des hommes aux durs visages et en loques s'étaient installés. Debout, les bras nus, ils remplissaient de grands paniers qu'ils jetaient ensuite à d'autres hommes sur le quai. Ces derniers répandaient le grain à même la pierre. Des ouvriers armés de pelles de bois l'entassaient alors dans des boisseaux qui, sitôt comblés, passaient dans de nouvelles mains et se vidaient dans des sacs. Et ces sacs eux-mêmes chargés des chevaux tout préparés. Une poussière blonde et subtile flottait autour de cette scène de travail, à qui le ciel immobile, clair, la mer bleue et clapotante, et les vieilles murailles grises de la ville servaient de cadre, et moi, je songeais à l'histoire de ce grain nourricier, venu de si loin. Je le voyais en pensée, verdissant dans la presqu'île russe, espoir de paysans pareils à ceux dont le noble Tolstoï a si bien peint les rêves troubles, les élans obscurs. Je voyais en regard un de ces grands chantiers de construction, comme j'en ai visité en Angleterre, lugubre sous une brume chargée d'atomes de charbon. Je me disais qu'une spéculation de bourse avait dû présider au transport de ce blé sur ce navire, et qu'un peu d'or avait été ajouté ainsi à quelque énorme fortune, dépensée dans un hôtel de Paris, de Londres, de Pétersbourg, parmi les délicatesses les plus compliquées du luxe le plus moderne. Où allait-il maintenant ce blé sous le fait duquel pliaient les reins des chevaux paisibles? Sans doute vers quelques cabanes d'un paysan grec, dévoué à Saint-Spiridion et aux images, sur les murs de laquelle un Saint-Georges vêtu d'argent terrasse le dragon. Et je me laissais envahir par cette rêverie qu'éveille en nous la merveilleuse complexité de cet univers, rendu comme perceptible par ce simple labeur d'un débarquement de blé dans un coin de port. C'est bien ce mélange de labeur le plus simple et du plus adorable décor qui donne sans cesse au paysage de Corfou une physionomie des glogues antiques. Vous la retrouverez, cette physionomie, à quelques points de l'île que vous mène votre caprice, à Beniza, où vous pourrez cueillir des oranges dans les arbres parmi les ruines d'une villa romaine, à Pelleca, d'où vous distinguerez à la fois les côtes de l'Épire couvertes de neige et sur l'autre versant de la montagne la mer d'Otrante que les habitants appellent la mer sauvage, à Potamo, dans cette place où la tradition veut qu'Ulysse est abordé, à Ipso, où se lisent ces deux vers naïfs sur le mur d'une maison de campagne cachée parmi des chênes et des citronniers. Permessi va nell'isolata pace, dove la molestia o manca o face, au couvent de Paleocastrizza, dont l'on découvre une côte déchiquetée et des criques d'eau bleue et de sable rouge qui rappellent cette côte divine entre Salerne et Almafi. Pas un mur d'enclos, partout des haies composées d'aloès gigantesques qui tordent leurs vers et soufflent poignards, ou de figuiers de Barbarie aux feuilles grasses larges comme des raquettes de tennis. Et partout aussi des bois d'oliviers, non pas de ces maigres et petits arbustes de notre Provence, mais des arbres colossaux, avec un tronc si vieux qu'il en est tout noué, tout percé de trous énormes. À terre sont assis des hommes et des femmes qui ramassent les olives tombées. C'est leur seule manière de faire la récolte, et encore de deux années l'une. Ils sont là, calmes et insouciants sous l'ombre fine du vieil arbre qui dut être planté au temps du règne de Venise. D'autres paysans s'en vont à la ville, assis de côté sur une monture chargée d'outres de peau qui enferment du vin. Sous ces oliviers errent aussi des troupeaux, des chèvres en camus qui se pendent aux arbres, comme dans les vers de Théocrite et ceux de Virgile. Des femmes passent portant une cruche sur la tête, d'un geste qui n'a pas changé depuis tant de siècles que les poètes en ont célébré la noblesse. Puis, c'est un moine mendiant dont la robe noire est devenue verte par l'usage, dont le visage, aux cheveux et à la barbe inculte, a des simplicités d'ermite de la Thébaïde, sous la toque sombre. Quand les oliviers manquent, les bois d'oranger leur succèdent, avec des fruits d'or qui brillent dans le feuillage lustré, presque noir. Et quand les aloès ou les figuiers font défaut, des haies de rosiers prennent leur place, fleuries de pâles et frêles roses, les dernières de l'année. Mais le parfum délicat de leurs corolles frileuses se distingue encore, marié à celui des narcisses qui grandissent tout blancs au bord des ruisseaux. Sans cesse aussi la mer apparaît à l'horizon. Crispant à peine sa nappe bleue, elle dort dans le calme des baies, elle frange les rochers d'un peu d'écume, elle étincelle sous le soleil, elle s'assombrit quand le couchant teinte en rose la crête blanche de l'Albanie. Elle est le sourire et la sauvagerie de ce paysage, et des bateaux s'y détachent çà et là, un paquebot avec son panache de fumée, un voilier avec ses toiles claires. Ni cette mer paresseuse, ni ce ciel lumineux, ni cette île verdoyante n'ont dû changer depuis l'époque dont il est parlé dans Homère, où Ulysse aperçut cette côte devant lui. Ah, les beaux vers que je ne peux résister au plaisir de transcrire ici. Mais quand l'aurore aux beaux cheveux amena le troisième jour, enfin le vent se reposa et la face de la mer se fit paisible, et là, il aperçut la terre. Il la regarda de ses yeux aigus en se soulevant hors de la grande houle. Comme au regard d'un fils apparaît la vie désirée, d'un père qui gisait sous la maladie, en proie à d'immenses douleurs, desséché, courbé sous le poids des dieux ennemis, et maintenant ces dieux l'ont délivré de son mal. Ainsi, aux yeux d'Ulysse, apparut la terre et la forêt. Et je blasphémais moi aussi, le vieil Homère, et je déclarais que je préférais Adolphe à l'Iliade et le Rouge et le Noir à l'Odyssée. Voilà qui est bien probable. Et j'avais raison alors, ou plutôt, je faisais comme font tous les critiques. Je donnais une allure de loi générale à ce qui n'était qu'une sensation. J'avais raison d'avoir la sensation. Mon erreur était de ne pas la concevoir comme telle. Je l'ai pourtant repris ici, le livre qu'enchante la figure tant célébrée de Nausicaa. Je ne l'avais guère ouvert depuis le collège et les vers divins, que je ne sais pourtant plus lire dans le texte, me sont apparus si jeunes, si vrais, si pareils à ce paysage. Les nuances d'âme, dont ils sont remplis, m'ont pour la première fois touché jusqu'aux larmes, comme ce passage où Ulysse inconnu, entendant Laède chanter la guerre de Troie, voile son visage de son manteau. Et le noble Alcinous, voyant que la musique perce le cœur de son hôte, ordonne que la mélodie soit interrompue. Il ne pose pas une question au mystérieux convive. Il ne cherche pas à deviner d'où cette souffrance à l'audition des exploits des héros. La délicatesse de sa piété comprend toute la magie consolatrice du silence. Il y a une douceur unique à rencontrer de ces traits si tendres dans ce poème d'une si rude simplicité. Comme il y a un attrait suprême à s'en aller, le livre fermé, le long des routes et à rencontrer là, verdoyant et lumineux, l'horizon qui se dessine à travers les descriptions de l'antique maître ou des rhapsodes errants dont un pieu inconnu a ramassé les œuvres éparses. Quand j'avais ainsi lu un chant de l'Odyssée, mon plaisir était de marcher jusqu'à cette pointe, bien connue des voyageurs qui ont passé seulement quelques heures dans l'île entre deux bateaux, que l'on appelle la pointe du canon, à cause d'une batterie placée là autrefois. La route contourne les haies dont est enclose la villa du roi, oasis d'eucalyptus, d'orangers, de citronniers, de rosiers, en vue du plus suave paysage de mer. Elle longe une espèce de lac intérieur sur lequel volent des sarcelles. Elle court parmi les oliviers et passe devant plusieurs maisons bâties par des Anglais, dont une me séduirait plus que je ne peux dire, par cette inscription gravée au-dessus de sa porte et si étonnamment britannique, Alcinous Lodge. Des garçonnets, des fillettes, pieds nus, m'offraient des fleurs et des oranges en me jetant le joli souhait par lequel ces gracieux mendiants saluent l'étranger. Puissiez-vous jouir de vos yeux ? C'est qu'une joie douce était en effet éparse pour les yeux dans le vaste azur du ciel, dans la clarté chatoyante des eaux, dans la mollesse des collines, dans le pâle feuillage des oliviers et dans les visions d'existence héroïque si naturellement mêlées à ces eaux, à ce ciel, à cette forme des montagnes, à ces beaux et paisibles arbres. J'arrivais ainsi à la pointe d'où l'on découvre un îlot qui s'appelle le vaisseau d'Ulysse. Une légende populaire veut que Neptune ait changé ainsi en une masse immobile la galère phéacienne qui était coupable d'avoir amené l'exilé dans son Ithaque. Cet îlot est planté de cyprès noirs, une petite chapelle s'y dresse, et de vieux moines le cultivent. La romanesque impératrice d'Autriche y a passé des heures et des heures pendant l'hiver qu'elle a séjourné à Corfou. Y venait-elle regarder seulement la mer mouvante, la côte lointaine du continent et les pentes boisées de l'île? Ou bien évoquait-elle en pensée la chimère, qui fut pourtant vraie, d'un monde où chaque aspect nouveau de la nature s'animait pour l'homme encore jeune en des symboles d'une grâce idéale. Toujours est-il que moi, l'amoureux passionné de l'analyse, le maniaque de psychologie, je m'abandonnais avec une ivresse inexprimable à l'intense illusion qui, pour un moment, grâce à la magie de cet horizon et du poème à peine quitté, faisait de l'élève de Stendhal un contemporain de ses songes à jamais dissipés. Je sentais renaître en moi l'âme évanouie, l'âme primitive de ces Hélènes qui pratiquèrent la félicité animale sans grossièreté, la félicité morale sans maladie, les puissances de l'art sans la manière, celle de la pensée sans l'angoisse. Période unique et si courte de jeunesse heureuse pour la psyché aujourd'hui blessée qui pleure en chacun de nous, île verdoyante et que je ne reverrai peut-être jamais. Quand tu ne m'aurais donné que cette volupté de quelques matinées passées de la sorte sur ton rivage, ton nom me resterait sacré pour toujours. Et quand je me souviens de toi, une phrase du noble et triste Flaubert me chante dans la mémoire. Même il y a des endroits de la terre si beaux qu'on a envie de la serrer contre son cœur. Ainsi s'achève Corfou par Paul Bourget.